Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le MAG sur Radioactive, l'émission qui met en lumière l'actu locale, les initiatives près de chez vous, mais aussi les acteurs qui apportent du dynamisme à votre quotidien. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, on prend la route direction Montlouis-sur-Loire, où nous nous sommes rendus, Lilian et moi, vendredi, pour assister à une soirée toute particulière, la soirée de valorisation des projets des jeunes pour 2025 au centre socio-culturel La Passerelle. Un rendez-vous empreint d'enthousiasme et de créativité, mais aussi marqué par des préoccupations bien réelles. Car derrière l'énergie et les idées de ces jeunes, une réalité économique plus difficile se dessine. Les défis financiers sont bien présents, l'avenir du lieu suscite de réelles inquiétudes et l'équipe qui porte ces projets en est pleinement consciente. Les jeunes aussi connaissent ce contexte, pourtant, loin de se laisser abattre, ils affichent, comme vous pourrez l'entendre, une détermination sans faille pour soutenir ce centre qui leur tient tant à cœur. Alors, place à la parole des jeunes, à leurs envies pour 2025 et à leur engagement pour faire vivre la passerelle malgré les vents contraires, un reportage où se mêlent émotion et espoir. Tanguy Debourg, animateur jeunesse pour le centre socioculturel La Passerelle. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ce soir ? Eh bien, ce soir, on fait une soirée de valorisation des projets de jeunes qui sont passés sur l'année 2024. Donc, on a 9 groupes de jeunes qui ont mis en place un projet sur l'année. Donc, l'idée du projet est entièrement venue de la part des jeunes. Et l'idée ce soir, c'est que chaque groupe présente leur projet aux personnes présentes. C'est les jeunes eux-mêmes qui présentent leur projet ? Exactement. Chaque stand, on retrouve un stand tournoi Nerf, animé par deux jeunes qui ont organisé le tournoi, où ils font un stand de tir. On a un stand de Loire à vélo, justement, où les jeunes présentent la vidéo qu'ils ont réalisée. Et donc, chaque stand est vraiment animé par les groupes de jeunes. Ok, super. Et ben, on va aller voir ces jeunes et on va leur demander de nous expliquer tout ce qu'ils ont à nous montrer. Merci, Tanguy. Il n'y a pas de quoi, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis avec Ilan à La Passerelle qui présente le tournoi Nerf. Est-ce que tu peux nous présenter ton stand, s'il te plaît? Le tournoi Nerf, c'est un tournoi où il y a plusieurs équipes qui vont se battre durant plusieurs modes et il y a des récompenses pour tout le monde. Et c'est un tournoi que je fais avec 3 amis. Et donc le stand, pour représenter ça, on a mis les récompenses et 2 nerfs avec des verres qui servent de cibles sur lesquels les gens peuvent tirer et après il y aura un tableau des scores. Alors combien de fois vous l'avez fait ce tournoi Nerf ? Pour l'instant, une fois l'année dernière et on veut le refaire cette année et ainsi de suite, tant qu'on peut le faire, moi je continue à le faire. Ça s'était bien passé la dernière fois ? Oui, très bien passé. Pour un début, on a eu beaucoup de monde, c'était très amusant, vraiment, c'était très bien. Merci beaucoup pour tes réponses, Ilan. De rien. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, moi je m'appelle Florent Gouin-Dena. J'ai participé au projet Terre du Son, donc c'était la deuxième édition cet été. Donc le projet, c'était de monter l'ensemble du festival Terre du Son. Donc nous avons monté des scènes, fait du balisage, on a créé des places de parking, etc. Ah ouais, c'est carrément du bénévolat, vous êtes dans l'organisation en fait. Oui, on est dans l'organisation même du festival. Et comme récompense, on avait le vendredi soir accès gratuit au festival en lui-même. D'accord. Et donc en fait, c'est une expérience que toi, t'as déjà vécue du coup, l'année dernière ? Oui, du coup, oui. Je l'ai fait l'année dernière. Ok. Et c'était ma première année de bénévolat. Et qu'est-ce que t'en retiens de cette expérience ? T'as aimé ? C'était chouette. Ça fait des bons souvenirs et puis ça permet d'expérimenter ce que c'est le bénévolat. Et donc, est-ce qu'à l'avenir, ça peut te donner envie d'être bénévole sur d'autres événements, que ce soit musicaux, sportifs ou autres ? Ah oui, parce qu'en fait, ça envoie un autre aspect d'un festival. On voit l'organisation, donc le montage et le démontage de l'ensemble du festival. Super, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Alors, nous sommes toujours à La Passerelle, donc avec Simon, qui participe aux 6 heures du jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, s'il te plaît ? Scratch, c'est une application où tu peux créer des jeux super facilement. Enfin, pas super facilement, mais c'est le plus simple possible pour pouvoir créer des jeux vidéo. Et aussi, tu peux jouer à des jeux, créer tes personnages, dessiner et tout. Tout simplement en plaçant des objets sur l'écran. Pour créer des algorithmes, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que l'idée t'est venue tout seul de faire le truc Scratch ou pas ? Non, ça a été proposé. Parce que je veux dire, c'est est-ce que vous étiez plusieurs sur ce projet-là pendant les 16 heures du jeu vidéo ? Ouais, on a été plusieurs, mais moi j'ai été le seul à me proposer sur Scratch. Merci beaucoup, Simon. De rien. Est-ce que tu peux te présenter ? Eh ben, je m'appelle Lucas Leger, j'ai 15 ans et j'ai participé à créer une colonie de vacances. On a créé notre colo de A à Z et puis après, ben, on est parti ensemble. Une colo de A à Z, alors explique-nous qu'on comprenne bien, ça consiste en quoi et vous êtes allé où ? Alors, on est allé à Fos dans l'Hérault. Et... Ah, c'est pas à côté ça ? Non, c'est pas à côté. Et donc en gros, c'est que bah, on a fait plein de réunions tout au long de l'année où on a commencé par dire ce qu'on voulait faire, donc les activités, tout ça. Après, on a dit là où on voulait partir. Puis après, comment s'organiser sur place, tout ça. Du coup, bah, une fois que tout était calé, qu'on avait trouvé un camping, des activités, etc., bah, on n'avait plus qu'à partir et voilà. Alors la destination 2025, elle est déjà fixée ou pas ? Non, pas encore. Les premières réunions, du coup, c'est en février, je crois. On sait pas encore. Ça serait bien qu'on change un peu de coin parce que sous tous les ans, on renouvelle un peu et on sait pas encore. En fait, ça, c'est des décisions que vous prenez tous ensemble. C'est un vote. Vous proposez puis vous votez. S'il y a vraiment des avis différents, oui, on fait un vote. Mais sinon, globalement, c'est souvent assez unanime. Du coup, voilà. Et vous avez de la chance d'avoir une structure comme la passerelle qui vous permette de pouvoir mettre en place... Ouais, alors là, les auditeurs ne voient pas, mais ils secouent la tête. Oui, oui, oui, effectivement, ouais, c'est chouette d'avoir cette structure. Bah oui, c'est super. Hein. Moi, ça fait quoi ? Ça fait 5 ans que je pars comme ça. Bah, c'est juste trop bien, quoi. On revient chaque année parce que bah, on passe que des bons moments. Du coup, c'est trop cool. Voilà. Même constat ? Exactement le même. Eh ben, merci beaucoup, les garçons. Mais de rien. Toujours à la passerelle sur le stand Bourges à vélo. Donc, je suis en compagnie de Xavier et Clémence. Bonjour, Xavier. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vous êtes venu l'envie à l'origine pour faire un Bourges à vélo ? Alors, première édition, la première envie, c'est pas moi qui l'ai faite. La première session, il me semble que c'était des amis qui avaient envie de faire un grand voyage à vélo et donc ça s'était organisé, mais je suis pas à l'origine du projet Bourges à vélo. Et toi, Clémence, est-ce que tu l'avais fait le premier stage ? Oui, moi je l'avais fait. Alors, j'étais pas à l'origine du projet, mais du coup, je l'avais fait quand même. Et moi, j'ai fait toutes les années jusqu'à maintenant, à partir du moment où... Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste ? En gros, on part de Mont-Louis, donc notre ville, en vélo, jusqu'à Bourges, en plusieurs jours. Et après, on va au concert Le Printemps de Bourges, qui est là-bas. Et alors, quels artistes vous avez vus la dernière fois que vous y êtes allé ? Alors, la dernière fois qu'on était allé, on avait vu Oshi, Matmata, Chaka Ponk et c'était Olivia Ruiz. Vous avez bien aimé Le Printemps de Bourges ? Ouais, c'était bien. Ce sera à refaire ou pas ? Pour une prochaine ? Oui. Moi, ouais, franchement, je le referais bien. Merci beaucoup pour vos réponses. Est-ce que tu peux me dire ton nom ? Je m'appelle Camille. Et Camille, qu'est-ce qu'il y a devant toi ? Tu peux expliquer ? C'est un plateau de jeu pour Bricks War Game. Et alors, ça consiste en quoi ? C'est des Lego, en fait ? Oui, c'est un jeu de combat, un peu comme Warhammer, mais en Lego. Et donc ça fait partie du projet que tu veux proposer pour 2025 sur la passerelle. Donc l'idée, c'est de quoi ? C'est de construire un décor ? Il y a un jeu qui tourne autour ? Ça marche comment ? En fait, c'est un jeu un peu comme Warhammer, où on va faire son armée, et après, avec des profils d'unités, des objets comme les réglettes de distance et les choses comme ça, on va pouvoir se combattre. Et c'est celui qui a le plus de points ou qui détruit toute l'équipe ennemie qui gagne. Et ça s'adresse à qui ? À tous ceux qui ont des Legos. D'accord, petit comme grand. Oui, il faut quand même savoir, même si t'as pas forcément ce qu'il faut pour avoir la bonne stratégie, un peu de chance pour l'aider et c'est bon, tu pourras quand même gagner. Super. Eh ben, merci beaucoup. Au revoir. Dino, animateur au sein de la passerelle. Alors, est-ce que tu peux nous parler du stand radio qui est présent ici ? Le stand radio, bah, donc, c'est un projet de longue date enfin, qu'on a mûri, qu'on a réfléchi avec Damien. Et un des axes de ce projet, c'était de donner la parole aux jeunes, mais différemment, autre que par une simple réunion et vivre la chose de façon interactive. Bon, déjà, à la base, on était passionnés par le concept, Damien et moi en tant qu'adultes. Et je pense que c'est un médium qui peut nous faire faire notre travail différemment et proposer des projets différents à tous les jeunes qui nous suivent. Quoi. Tu penses que ça peut beaucoup apporter aux jeunes ? Exactement. Et d'ailleurs, ça l'a prouvé parce qu'on bon, on a déjà fait un test et tout ça, et ça a été âprement suivi. Quoi. C'est vrai que c'était impressionnant comment les jeunes y parlaient entre eux, etc. Merci beaucoup. Damien Guyot, vous êtes coordinateur jeunesse à la passerelle. On a vu passer sur les réseaux et vous avez communiqué auprès des partenaires sur une situation compliquée que vous traversez en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Donc, ce que vous avez pu voir, donc, c'est un appel en fait, aux dons parce que malheureusement, comme beaucoup de centres sociaux, on ne fait pas exception et on a des problèmes de trésorerie. Fort heureusement, on est toujours soutenu par nos partenaires financiers. Voilà, donc l'idée, c'est de renflouer un peu les caisses de l'association par l'intermédiaire de cette cagnotte pour pouvoir respirer un petit peu, pour pouvoir se permettre de voir un petit peu plus loin. C'est quoi l'enjeu, là, concrètement, pour la passerelle ? En vrai, je ne le connais pas vraiment. Ça, c'est plutôt entre les mains des membres du CA, du bureau et de la direction qui sont donc pas là ce soir pour en parler. L'enjeu, c'est... Des emplois ? Des emplois. C'est déjà des emplois. C'est de pouvoir continuer à travailler. C'est de pouvoir maintenir l'activité telle qu'elle est parce qu'il y a des... Les services coûtent de l'argent, l'accueil coûte de l'argent, accueil ado, accueil enfant, tout ça, ça coûte, et c'est des gens. Et potentiellement, si on n'y parvient pas, si on veut pouvoir se maintenir, il va falloir qu'on rogne sur certaines choses, voire qu'on en arrête certaines. On espère que le centre social pourra continuer à se maintenir malgré tout. Donc ce soir, on est sur une soirée de valorisation des projets de jeunes. Ça permet un petit souffle positif, cette soirée ? C'est toujours plaisant, si vous voulez. Nous, l'équipe est à connaissance de la situation. C'est là où c'est très chouette, c'est qu'il y a aussi une certaine transparence de la part de nos responsables et ils ne nous laissent pas dans le flou. Et pour ça, on les en remercie et on les remercie pour ce qu'elles font et ce qu'ils font. C'est un gros souffle parce qu'en fait, on sait qu'on est soutenu, on sait qu'on a du monde derrière nous. On voit les jeunes, on voit leurs parents, on voit les gens qui sont contents de ce qui se passe, qui voient tout ce qui se passe. Et en fait, cette belle énergie, elle nous sert. Elle nous fait du bien et de voir que les gens sont là nous donne du carburant parce que je ne vais pas te mentir qu'en ce moment c'est pas trop la joie. Et c'est vrai que toute l'activité socioculturelle, c'est une activité qui n'est pas rentable, faut dire ce qui est, mais qui est essentielle. Donc comment on fait pour vous soutenir ? C'est quoi la démarche ? De plein de façons différentes, donc là, financièrement, donc il y a toujours la cagnotte, donc elle est trouvable sur le site du centre socioculturel, donc après, donne qui veut, en fait. Nous, on veut pas tomber dans une forme de misérabilisme, on veut pas essorer les gens, parce qu'en fait, on sait que c'est Noël, il y a des emplois qui se perdent, on le voit tous les jours, on est dans une période économique qui est pas simple, donc en fait, on a aussi connaissance de la réalité. Après, les gens peuvent donner à la hauteur de ce qu'ils veulent. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est d'en parler. C'est de continuer à ce qu'on ait cette aura-là. La preuve, ce soir, il y a du monde. Cette aura qui fait qu'en fait, ce centre social, c'est pas juste une équipe de gentils animateurs et de gentils salariés qui accueillent. En fait, il y a un impact sur la vie des gens, sur la vie des jeunes. Moi, je suis ici depuis une douzaine d'années. Il y a des jeunes que j'ai eus tout petits, puis ados, puis après, ils sont passés animateurs. Enfin, tout ça, c'est des tranches de vie. Et qu'en fait, c'est de parler de ces tranches de vie-là, de continuer à dire « tiens, la passerelle est un peu en galère en ce moment ». On ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé, ni quel sera notre avenir l'année prochaine. Et donc, voilà, on ne peut pas non plus présager ni donner plus d'informations là. Mais on tient. Et de continuer de parler de nous, de continuer de venir nous voir, de savoir que les gens sont là, nous, ça nous maintient aussi. Parce que comme je te le disais, là, les journées sont dures. On se prend pas mal de mauvaises nouvelles. Et les jeunes viennent demander « mais en fait, c'est quoi cette affiche ?» Parce que cette salle, cet accueil jeune, il est important pour eux. Donc on doit réexpliquer, on explique ça plusieurs fois par jour, donc ça implique de se remettre dedans. Et d'ailleurs, c'est quoi la réaction des jeunes quand vous leur expliquez un petit peu ? Elle est variée, on a déjà eu des larmes, notamment auprès des enfants, ils comprennent pas, je vois de l'anxiété, pour l'instant on est encore là, hein, tenons-nous, restons proches. C'est de l'inquiétude et du « je vais en parler à mes parents ». On sent que ça compte, en fait. Beaucoup d'inquiétude. Ok, donc rendez-vous sur le site de la passerelle. Tous les moyens sont bons pour venir donner un coup de pouce à hauteur de ce qu'on peut. C'est ça. On sait que c'est pas facile et y a de l'appel aux dons réguliers. On sait que le secteur associatif demande aussi beaucoup aux gens. En fait, on a connaissance de ça. En fait, et nous-mêmes, on n'a pas des salaires mirobolants et on aimerait pouvoir donner tout le temps et faire en sorte que, on est dans une période pas facile pour les centres sociaux et pour le secteur associatif de façon générale. De s'engager, de venir, d'en parler, d'aider, c'est déjà aidant, en fait. On ne veut pas forcément que demander aux gens de passer la main au porte-monnaie. Il y a des forces vives dans tous les sens, et pas forcément pour nous, pour les autres, on pense aussi aux copains, les autres centres sociaux, qui sont dans des situations pas forcément viables pour certains aussi. Voilà. C'est d'être là et de... Parce qu'une France sans association, je pense qu'on s'en rendra assez vite compte. En fait, on se dira, oh là là, tout ce qui se passe n'est pas que du service public ni des entreprises privées. Beaucoup sont assurés par des assos. Et le jour où on en aura de moins en moins, je pense qu'on sentira le coup passé, quoi. Constat complètement partagé. Merci Damien. Merci à toi. La passerelle. La passerelle. La passerelle. La passerelle. On soutient la passerelle. La passerelle, c'est les meilleurs. On fait plein d'activités cool. En plus, c'est pas cher. Moi, je pense qu'ils devraient monter un peu les prix parce que avec tout ce qu'ils font, je trouve même que c'est même peut-être pas assez cher. Mais en fait, je trouve ça incroyable ce qu'on fait là-bas. Tous les mercredis, quasiment, et tous les vendredis soirs, on fait des activités. On fait vraiment plein de choses. On peut s'inscrire 7 euros l'année pour accueil libre, donc jeux de société, cuisine, baby-foot et lecture. Et plein d'autres choses. Voilà. Du coup, bah, moi, je trouve ça vraiment bien, la passerelle, et bah, j'aimerais qu'ils restent ici, à nos côtés. Voilà. Bah, s'ils disparaissent, déjà, on devrait tous aller en Perme. Et en plus, on serait rien. Et l'hiver, surtout quand il fait froid, on est content quand ils viennent. On peut aller à l'aquarium que de rester dehors. Et puis sinon, on fait une révolution si ça ferme, voilà. Soutien à la passerelle !